Pour terminer l'émission d'aujourd'hui, c'est Raymond Poirier qui est en studio pour nous parler de technologie de l'information, puisqu'il est chargé de communication à l'ITIS. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et là, cette semaine, tu vas nous parler de data center. Et oui, mais en fait, pour deux raisons, en fait. J'ai eu envie de t'entretenir un peu de cette thématique-là. Parce qu'il faut dire qu'on est, dans le chemin pour plusieurs organismes, plusieurs gouvernements et par extension, une bonne partie de la population, vers le sommet de Rio l'année prochaine et vers des réflexions et des discussions autour de différentes thématiques environnementales. Et parmi ces thématiques-là, il y a toute la question de l'efficacité énergétique. Et quand on parle technologie, de l'information, l'un des principaux défis auxquels l'industrie globalement, les sociétés globalement auront à faire face, c'est la question des data centers, parce que ce sont dans le domaine de très, très gros consommateurs d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'un data center? C'est essentiellement une ferme de serveurs. Internet, il faut que ça soit stocké à quelque part. Il faut que les entreprises, leur information soit stockée à quelque part. Il faut que Facebook soit à un endroit. Et donc, ces fermes de serveurs-là, ça consomme beaucoup d'électricité. À peu près 1,5% de l'électricité mondiale, en fait, qui est consommée uniquement par les data centers. C'est beaucoup. C'est énorme. Et il y a 30% de la facture d'électricité des data centers qui sont liés justement à ces centres-là, donc qui comptent seulement pour la facture énergétique. Donc, c'est important. Et donc, ce qui fait par préoccupation environnementale d'un côté et de l'autre côté, préoccupation économique parce que ça coûte très cher, les différentes compagnies, les gros joueurs, tentent de trouver une stratégie pour diminuer leur consommation énergétique. On voit même aussi, exemple, c'est sorti un peu plus tôt cette semaine, Google qui ont fait beaucoup de coupures au niveau de leur projet de recherche sur les énergies renouvelables, mais parmi tous les éléments qu'ils ont décidé de conserver, c'est notamment toute leur recherche et leur projet en lien avec la consommation d'énergie des data centers. Donc, ça montre l'importance que ça a pour des joueurs de ce type-là. C'est drôle parce que c'est virtuel, on n'a pas l'impression que ça prend de la place. Mais ça va quelque part. Oui, et ça consomme beaucoup d'énergie. Et de plus en plus, il y a des gros joueurs qui décident d'aller vers le nord. C'est un peu la ruée vers l'or blanc. On se rend compte que c'est plus facile de climatiser un centre de données si la température ambiante est froide plutôt que chaude. Et donc, exemple, il y a Facebook qui a installé des fermes de serveurs dans une ville suédoise qui s'appelle Luleå. Et là-bas, on dit, regardez, c'est la température idéale pour ce type d'infrastructure-là parce que la moyenne de température, c'est 2 degrés. Et depuis à peu près 50 ans, on a seulement eu une journée où il a fait plus de 30 degrés. Donc, les coûts de climatisation sont moindres et fait additionnel, c'est qu'on peut utiliser l'air ambiant, la faire rentrer dans la ferme de serveur pour réduire la chaleur des ordinateurs. C'est pas pour rien, en fait, que chaque ordinateur personnel a un petit ventilateur au bout, c'est pour faire sortir la chaleur. Maintenant, mettez-en des milliers des ordinateurs beaucoup plus puissants qui ont besoin de beaucoup plus de ventilation, mais la chaleur monte. Et donc, si on amène de l'air froid à l'intérieur de l'infrastructure, l'air froid va se réchauffer, va ressortir, on va créer donc un cycle comme ça. Et si l'air froid est disponible à l'extérieur de l'infrastructure, ça va coûter beaucoup moins cher que si on a la climatiser, évidemment. Et c'est sûr que si on met notre data center en Arizona, c'est un peu plus difficile. Ça prend plus d'énergie pour rafraîchir tout ça. Et d'ailleurs, à ce titre-là, Tania, il y avait Facebook, justement, qui, avant de le construire en Suède, en avait construit un à Pineville, en Oregon. Et il y avait eu plusieurs organismes écologistes, dont Greenpeace, notamment, qui avaient reproché à Facebook de l'avoir installé dans un lieu où la température est assez élevée, et de B, en plus, de l'avoir installé dans un lieu où l'électricité, donc l'énergie pour refroidir les data centers, était faite à partir de charbon. Alors, donc, ce qui fait que de plus en plus, on s'intéresse à des lieux où la température est froide et à des lieux où il y a possibilité d'avoir des énergies un peu moins sales, voire beaucoup moins sales que le charbon ou les combustibles fossiles. On peut penser notamment à la question de l'hydroélectricité. Dans le cas de la Suède, il y a un réseau hydroélectrique qui est assez intéressant, il y a un réseau électrique qui est intéressant, et en plus, cette région du monde-là, elle est très, très connectée, donc c'est ce qui amène des entreprises comme Facebook là-bas. Il y a d'autres régions scandinaves aussi qui intéressent les gens, en Finlande notamment, en Norvège aussi, et même à l'intérieur de ça, il y en a qui s'amusent à récupérer la chaleur qui est générée par ces infrastructures-là et à aller la canaliser pour faire un système de chauffage central pour des infrastructures de la ville, voire de manière générale, essayer de créer de l'énergie à partir de la chaleur et baisser globalement la facture d'énergie de la ville elle-même. Et il y a même certaines régions, notamment, je pense que c'est du côté de la France, il y a un parc d'activités industrielles qui chauffe ses bureaux avec les ordinateurs, avec la chaleur générée par les ordinateurs. Mais on pourrait pas inclure ça dans le plan Nord? Ça pourrait être intéressant. Ben, il me semble que oui. On a plein de places où il fait super froid au Québec, même au Canada, je pense qu'on pourrait s'en servir. Et même à ça, on pourrait ajouter, ça c'est la question de l'air, mais il y a aussi l'idée d'utiliser l'eau pour refroidir les fermes de serveurs. Il y a des tentatives qui sont faites notamment à La Réunion, où on a installé des systèmes de pompage pour aller chercher de l'eau à 1000 mètres de profondeur, donc l'eau à peu près 5 degrés. On va la chercher très froide, on la ramène vers les centres de serveurs, et là, ça fait une petite boucle et elle ressort très chaude. Bien entendu, cette eau chaude-là, on peut soit la rejeter, peut-être qu'il y aurait des conséquences écologiques par contre, soit la réutiliser pour chauffer d'autres lieux. Et si on reste dans la comparaison avec le Québec, il y aurait toute la question des rivières notamment, qui pourraient aussi être utilisées puisque l'eau est généralement plus froide et à une température assez constante pourrait être utilisée aussi pour refroidir des fermes de serveurs comme celle-là. Donc, c'est des éléments qui sont quand même facilement applicables. Et ce qui est toujours fascinant, c'est de voir que, disons, cette ruée vers le nord-là qu'on voit est quand même relativement récente, somme toute. Ça peut du temps qu'on se rende compte que ça coûtait cher à refroidir. Probablement. En fait, probablement qu'on ne s'attendait pas non plus à avoir autant de serveurs qui fonctionnent de manière aussi intensive. Il y a d'autres solutions aussi qui sont envisageables. Si, exemple, on a des fermes de serveurs qui sont dans des lieux un peu plus chauds, eh bien, plutôt que d'alimenter la climatisation avec l'énergie fossile, il y a d'autres constructeurs, on pense à IBM notamment, et je crois que Apple a fait la même chose, qui ont installé, eux, des hectares et des hectares de panneaux solaires pour générer l'énergie pour leurs fermes. Donc, comme ça, ça reste pratiquement en circuit fermé. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher des combustibles fossiles. Ils n'ont pas besoin de créer de fausses notes, si on peut dire, pour le contexte environnemental. Alors, notamment à Bangalore pour IBM, à peu près 1,8 km² là, de panneaux solaires, ça génère 50 kW d'électricité et c'est utilisé pour refroidir les serveurs. Apple, c'est un peu la même chose. En fait, eux, c'est aux États-Unis. Donc, ils ont installé 70 hectares de data center, de 70 hectares, pardon, de panneaux solaires autour des data centers pour justement essayer de générer suffisamment d'électricité pour réduire la température. J'ai l'impression qu'on a été un peu pris de court par l'avancée technologique et les ordinateurs qui ont tellement pris du galon rapidement qu'on a comme juste fait, on fait tout le temps comme ça, on va le faire encore, c'est devenu gros, puis on a fait, oh ouais, hein, ça coûte cher d'hydro finalement. Et même en fait, on n'a pas encore pensé non plus à changer la structure même des data centers. Donc, on les imagine, des salles de serveurs, on les imagine carrées, en étage, avec des rangées d'ordinateurs. C'est toujours comme ça que ça s'est organisé. Dans la plupart des cas, c'est encore comme ça que ça se fait. Et il y a à l'Université Laval où il y a un super ordinateur qui s'appelle Colosse, qui sur quelques étages, donc quand même une très, très grosse machine avec beaucoup d'énergie qui, bien entendu, a besoin d'être aussi refroidie. Et eux se sont dit, peut-être qu'on serait mieux de ne pas faire cet ordinateur-là en carré. Peut-être qu'on pourrait plutôt exploiter une structure. En fait, là-bas, il y avait comme une espèce de silo, en fait, un générateur de particules, qui était un silo, donc circulaire. Et ils se sont dit, si on mettait les ordinateurs de manière cylindrique, de manière circulaire, et qu'il y aurait de l'air qui circulerait autour et à l'intérieur de ces silos-là, peut-être que ce serait un peu plus avantageux. Et effectivement, l'histoire récente nous dit que oui, ça a été extrêmement avantageux. En fait, les concepteurs de cet ordinateur-là, qui est géré par le CLIMEC, ont installé en haut, au centre de la structure, en fait, en bas, des énormes ventilateurs. Donc, des énormes ventilateurs qui vont tirer la chaleur qui est générée par les ordinateurs eux-mêmes, donc des ventilateurs qui vont chercher l'air chaud. Donc, les ordinateurs, l'air chaud est poussé vers le centre de la structure et tiré vers le bas. Et dans le bas, à l'Université Laval, il y a aussi une boucle d'eau froide, d'eau chaude. Et donc, la boucle passe par là, refroidit l'air ambiant au bas, et de par la nature de la structure, l'air froid ainsi créé va remonter autour de l'ordinateur, autour du silo, et donc va refroidir l'autre face, au bout du compte, des ordinateurs. et l'air chaud, l'eau chaude en fait qui est générée par la boucle, elle va repartir sur le campus et va aller chauffer d'autres infrastructures. Et c'est comme ça qu'on réussit à moindre coût comparativement à d'autres types d'infrastructures à refroidir cet air-là. Et je discutais avec justement le chercheur qui est responsable de ce super ordinateur et on lui demandait si vous aviez le choix, parce que l'idée est venue un peu de la nécessité ou de l'intérêt du local, du silo qui était disponible. Et on lui demandait, regardez, si il n'y avait pas eu ce silo-là et si vous aviez eu à construire de A à Z une infrastructure pour loger ce super ordinateur-là, avec le recul, est-ce que vous l'auriez construit carré ou vous auriez quand même construit un silo du même genre pour le loger? Et il dit, avec l'impact que ça a eu, avec l'effet positif que ça a eu, oui, je le construirais en silo également pour aller chercher justement ces avantages-là, côté air, côté aération, côté climatisation. Et finalement, il fallait juste y penser parce que ce ne sont pas des grandes inventions non plus, c'est juste un côté pratique. Je pense qu'on comprend le principe de l'air froid, l'air chaud, puis on avait juste à le faire. Exactement, exactement. Et à trouver des manières de généraliser aussi ce savoir-faire-là, que ce soit l'idée d'ordinateur en cylindre, cylindrique, en silo, que ce soit l'idée d'utiliser l'air froid, l'eau froide pour refroidir tout ça. Et quand on parle, je rappelle la statistique qu'on a mentionnée au début, 1,5% de la facture énergétique mondiale, sur laquelle on peut avoir un impact direct à coût qui n'est pas nécessairement excessivement élevé, puisqu'il s'agit d'abord et avant tout d'un coût de localisation, de construction. Alors, ça peut être extrêmement intéressant de voir justement comment les industries, comment la recherche vont continuer d'explorer en ce sens-là pour, au-delà de ces solutions-là, en envisager d'autres et continuer de rendre de plus en plus viables au niveau énergétique les data centers, les fermes de serveurs. Mais déjà, je pense qu'on a une idée d'où tout ça s'en va. Et l'autre question, tu l'as soulevée, ce sera de voir si ici, au Québec, on est en mesure de profiter aussi de cette ruée vers le nord que plusieurs constructeurs, plusieurs entreprises internationales commencent tranquillement à faire. Bien, il faudrait fortement. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et je rappelle aux gens que toutes les chroniques que tu fais sont disponibles sur Internet. Oui, sur le www.itis.ulaval.ca. Allez dans Actualité TI, vous allez tomber notamment sur les chroniques. Et Raymond Poirier, on se reparle donc lundi prochain. Je rappelle que tu es chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société de l'Université Laval. Et on se parle comme ça tous les lundis pour connaître les détails de la technologie de l'information en général.